Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 18 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'en fin de semaine, il y avait le marathon de l'Acadie. On a tous les résultats finalement maintenant. On va vous en communiquer quelques-uns de fort intéressants. D'abord, à noter que chez les 11-14 ans au 1000 libres, c'est Émile Lachance qui a remporté la victoire à l'aide de Québec. 11-14 ans garçon, Martin Fortin de Saint-Félicien était le meilleur au 1000 mètres toujours avec un temps de 16 minutes 80 secondes. 15 ans et plus, Anne-Sophie Lepage a terminé en première place avec un temps de 15 minutes 50 et 26 centièmes. Maintenant, on note qu'aux 16 ans et plus chez les messieurs, c'est Alexis Delisle qui a terminé en première place avec un temps de 15 minutes 4 secondes et 95 centièmes. Aux 5000 mètres libres, 14 ans et plus, un gain de Anne-Mélie Vien-Fortin qui a remporté avec un temps de 1h14 minutes et 37 secondes. 14 ans chez les garçons, Thomas Langlois a été le meilleur avec un temps de 1h7 minutes et 46 secondes. 16 ans et plus, Gabriel Savard de Dolbeau-Missassigny a terminé en première place avec un temps de 1h4 minutes et 7 secondes. 15 ans et plus, messieurs, un gain de Nathan Bolduc-Baudin. Et du côté de la Coupe Espoir chez les dames, c'est Gabriel Savard, encore une fois, qui a été la meilleure. 1h4 minutes et 7 secondes. Et chez les messieurs, c'est Nathan Baudin-Bolduc qui a terminé en première position. Maintenant, du côté de la Coupe Sadlac, dames, 5000 mètres libres. Notons la première place pour Océane Fortin. Et du côté maintenant, évidemment, du 15 km, on l'a dit, c'est Xavier Desharnais qui a triomphé. Donc, ça complète pour les informations concernant le marathon du Lac-Adjim qui a eu lieu en fin de semaine. Soccer, maintenant, dans les différentes ligues de soccer, évidemment, on surveille ce qui se passe du côté de U14 masculin. Victoire très facile de Saint-Félicien, 7-1 hier soir sur le FC de Dolbeau. Et du côté du senior féminin, division 2. FC du Fjord 2, l'attaque de Saint-Prime 1. Et à Ligue de balle lente de Robertval hier, il y avait 3 matchs au programme. D'abord, le Garmin a défait Saint-Hubert 13-7, Megavac 17, Pièce de Tourcel 3, et le Zodiac a défait l'Intersport 21-9. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.